tout a démarré sur Skyrock, MacTayer, Maître Gims, son Planète Rap. Let's go! Planète Rap exceptionnel sur Skyrock avec MacTayer et Maître Gims. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planète Rap, ouais. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue à vous tous. Le Planète Rap consacré à Maître Gims qui est là. Yeah. Tel Jay-Z est arrivé en métro à la radio aujourd'hui. Ouais, je suis arrivé en métro. Voilà. Un petit moment, rencontrer les gens qui étaient là autour de toi. Exactement. Bon, ça va, oui. Tout va bien ? Ça va, tout va bien, oui. En pleine forme ? En pleine forme. Et pas tout seul cette semaine, puisqu'il y a aussi la signature de ton label. MacTayer est là avec nous. Ouais, ça va, Fred. Ça va et toi ? Ça va. Quoi. Bien encore en mix Ouais, tous les jours. Ou c'était un peu plus calme aujourd'hui ? Non, on travaille tout le temps. Je rappelle qu'on l'a appris en exclu, c'était lundi soir dans l'émission. Ton album sortira le 20 avril 2015. Je suis une légende, c'est le nom de cet album de MacTayer qu'on retrouvera, ouais, donc yes, dans les bacs le 20 avril avec des morceaux qui vont arriver, mm-hmm, ouais, ce soir, demain. Non. Ni ce soir, ni toujours demain. À la recherche. On veut pas, je tente. Hein. T'as raison. Je tente. Donc ce soir, on va refaire un petit peu comme on a fait depuis le début de la semaine. Ouais. En plus, les gens apprécient. Moi, je reçois beaucoup de messages, hein, sur cette semaine. C'est cool. On va revenir sur vos morceaux, certains de vos morceaux, pas tous. Ouais. Okay. Je sais pas si vous avez une petite idée de ce qu'on pourra réécouter ce soir, notamment. Il y a le choix, en fait. Il y a le choix, il faut. Eh ben très bien, on en parlera d'ici quelques minutes. Et là, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec MacTayer et Maître Gims. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Où que vous soyez, vous avez déjà pris vos places, vous les avez précommandées aussi sur le net. Faites une capture d'écran, vous envoyez même vos photos, évidemment. Voilà, photos, selfies avec à l'adresse suivante, planetrap@skyrock.com. Vendredi, on fera un tirage au sort et deux gagnants dans chaque ville pour le full access. Pour le full access. Qu'est-ce que le full access ? Mais... les gens que je vais recevoir pendant ces jours-là, arrête de dire ça, je vais les mettre millions... bien au top. On va se poser, on va regarder la télé, on va échanger, partager des choses, discuter, se lâcher. On va se lâcher. Laisse-moi te dire que tu perdras. Oui, la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une fois. J'ai grandi parmi les Youvois. Skyrock à fond dans la turfoie. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. C'est les Planète Rap sur Skyrock. Belle semaine en tout cas avec vous, puisqu'on se replonge aussi sur vos discographies respectives. Mm-hmm. Ça fait plaisir. Un petit coup dans Section d'Assaut, un petit coup dans Tandem, un petit coup en solo. Voilà, plein d'extraits à revivre. On va piocher dans l'album du troisième pro, Section d'Assaut, le troisième prototype. Donc, le Renouveau. Le Renouveau. C'est un morceau qui s'appelle. Un morceau qui s'appelle Glock. Putain, c'est Glock comme le sang, tout comme le faire couler à cause d'un wesh, comment ça? Un viol pas loin, le coupable a bien du sperme sur les sables. Des films pornographiques sur Canal+, Canal+, des petites qui zappent, comment ça? Non, ma soeur, Niva, ils vont te foutre un poil pour des produits Nivea. Pendant qu'un pédophile surveille sa proie, 6 ans, c'est l'idéal. Sodomisé à mort dans la lucarne d'un bac à sable ou sur une table. Ikea, mon dieu, que l'homme est mauvais. Dissimulé de la gondia dans un sachet de thé. La pureté de l'âme ne peut pas s'acheter. Glock comme de perdre sa chasteté dans l'illégalité. Quel morceau on va mettre de MacTayer? Bon, on va partir sur quoi? Là, on va se mettre un petit délire tranquille. On va s'envoyer à chaud. À chaud. Donc ça, c'était en 2006. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À tous les frères au cachot. À tous les frères au cachot. C'est chaud, à Stéphane, copain, car. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. Planète Rap. 20h-21h. Planète Rap. Avec MacTayer et Maître Gims. Allô le bled, ici la France, Francheville, c'est grave. Je suis bloqué dans le rêve d'un pédophile. Les gens se plaignent, tout en prenant des apéros. Génération dans la merde avec des pompes à 130 euros. Dieu ne juge pas par l'apparence ni par les vêtements. La preuve, on sera tous nus le jour du jugement. Me serrez pas la main, vous allez me tuer. Car j'ai le cœur sur la main. Rêve pour le terrain, les frères s'achèvent. Le trésor caché se trouve dans la mort en sachet. Tes sœurs portent la hijab, d'autres sont parfois à tel haut. D'où je viens la thèse, rêve de la fortune à Pablo. L'émission rap de référence, c'est Planète Rap sur Skyrock. Voilà ce qui s'est passé hier soir. On est reparti aussi pour une nouvelle soirée avec Maître Gims, avec MacTayer ce soir entre 20 et 21. On va aussi parler de cette tournée, Gims. Cette fameuse tournée qui fait déjà un véritable carton. Les gens s'arrachent les places et veulent tous venir en full access. Exactement. Ils veulent tous ce fameux

Allez-y, allez cliquer tout de suite pour retrouver ce morceau de Mac Taylor avec Maître Gims, laisse-moi te dire. Et ce soir, comme chaque soir, on va aussi repartir sur vos discographies respectives. On va vers qui ? Vers Gims ? Avec la section ? Ouais, avec, je pensais à un son avec la section d'assaut, désolé. Parce que... Je pensais à un son avec. C'est quand même juste un son qui a fait le tour du monde, quand même, celui-ci. Ouais. C'est le son qui nous a vraiment fait exploser, on va dire. Alors replongeons-nous, nous sommes dans l'album L'école des points vitaux. Voilà, on est dans les points vitaux, on est là. Désolé arrive quand d'ailleurs dans la construction ? Désolé arrive après Casquette à l'envers, je crois. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un des premiers morceaux faits ? C'est un des premiers morceaux faits, mais on a des doutes par rapport à ce morceau parce que c'était vraiment. Il était vraiment. Ça avait rien à voir, c'était vraiment un son, c'était un peu innovateur à cette époque-là, c'était un game changer, comme on dit. Donc on game changer. Un game changer. D'accord. Voilà. J'ai noté celle-ci. Ouais, c'est une petite expression, un game changer. C'est-à-dire que c'est un son qui viendra changer la donne, en fait. Ah. C'est des sons qui. C'est comme les plus gros artistes ont fait, un 50 Cent, c'est un game changer, Jay-Z, etc. C'est des gens, Lil Wayne. C'est des game changers. Ils arrivent avec une tendance et tout le monde, tu vois, boum. Un bon nom de... Ça change la donne. Un bon titre de morceau, ça. Game et donc, changer. Désolé, ça faisait partie de ces sons-là, game changer, tu vois, c'était, voilà. Chanter comme ça, chantonner dans un morceau tous ensemble. Il n'y a pas forcément que des chanteurs, mais tu vois. Et alors pourquoi est-ce qu'on a un doute à un moment alors, tu me dis, on a un doute parce que voilà, nous on arrive de. Voilà, des gens qui connaissent Section d'Assaut, ils savent que Section d'Assaut c'est des freestylers, c'est des mecs, ils sont là dans des battles, des machins, ça kick quoi, dans la rue. C'est vraiment ça, Section d'Assaut à la base. Mais désolé, c'était le 2.0 quoi, c'était un truc de fou. C'était bon, on le fait, on n'est pas sûr, machin, après on s'est dit. Le son était bon, tu vois. Et alors quand vous le faites écouter un peu aux entourages, aux, quand on le fait écouter, les gens se prennent des claques, quoi. Les gens pètent les plombs réellement. Et nous, on comprend pas. On se dit bon, il y a quelque chose à faire, vraiment. Mais est-ce qu'on sent que ça peut être un on sent et voilà, on sent et on sent pas. Tu vois, il y a la peur en même temps. Il y a ces deux trucs là mélangés. On se dit purée, ça peut être vraiment lourd, mais ça passe ou ça casse, quoi. Soit les gens ils aiment, soit les gens ils aiment pas. Tu vois, ça parle comme ça. A priori, ça a passé. C'est vrai que je disais que ce morceau il a fait le tour du monde. Moi, j'ai entendu des reprises un peu partout. Oui, il y a eu des reprises. Snoop l'avait repris dans une soirée. Taiga, je sais plus qui encore. C'est lourd. Il y a plein c'est de incroyable, non pris. C'est lourd. Moi, oh, perso, je l'avais écouté via. Toi, tu l'avais écouté j'avais aussi. Écouté avant Saint, il avait fait un truc aussi en club avec. À l'époque, chez Bicose, parce qu'il y avait. Il y avait Axel et tout, et il m'avait fait écouter le morceau, et j'ai dit quoi, mais ça, ça. C'est un gros tube qui arrive. Ah, toi, tu le sentais aussi? Tout de suite, hein, mais c'était pas encore sorti, tu vois. Mais est-ce que d'ailleurs, dans vos discographies, est-ce que, voilà, il y a des moments où vous dites ça c'est évident, d'autres un peu moins évident, et puis parfois vous avez des surprises. C'est-à-dire que les trucs évidents, finalement, sont pas si évidents que ça. Ça peut arriver, hein, bien sûr, ça peut arriver. Après, il n'y a jamais de calcul précis, tu vois. Mais bon, tu fais écouter à pas mal de gens, ça commence par là. Quand t'as une quinzaine de personnes, ça met d'accord 15 personnes, tu dis bon, ah, on est bien quand même. Il y a quelque chose, il y a un truc qui se passe. Ouais, voilà. Bon, bah, on va les réécouter maintenant, ce morceau. On va les réécouter, ouais. Désolé, sur Skyrock, la section. Oh, tu t'en souviens ? Désolé. Désolé. Désolé. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Oh merde, on était en avance, on faisait déjà du DJ Moustard. Papa, maman, les gars, désolé. Oh. Je ressens comme une envie de m'isoler. Moi aussi, les frères, je vais me barrer. Rejoindre tous les miens, les dingaris. Paris, c'est Alcatraz. Marre des amandes et tous ces tas de paperasses. Leur cœur est noir et fin comme un Sénégalais. À les entendre, on croirait que saigner fallait. Moi, je veux ma femme, mon dîner, mes gosses. Pour ça, crois-moi, j'emploierai bien toutes mes femmes. Alors, et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas. Black House. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Pardonne-moi grand-mère s'il te plaît. Le phare. J'étais revenu te voir si j'avais plus de blé. Mais t'es ici non plus c'est pas facile. En France la reste nous met des bafoussés. Désolé aux profs de maths, d'anglais et de français. Vous inquiétez pas mon père m'a bien défoncé. Désolé monsieur le banquier. Mais si je m'arrache vous allez pas me manquer. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pas vrai. Papa maman les gars désolé. je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Maman, papa, je vous dis on diarama. Je sais que dans vos têtes, vous êtes déjà là-bas. J'ai beau dire que je l'aimais, j'ai pas la foi. J'ai fait le con, j'ai commencé par la fin. J'aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit. T'écouter, papa, étant petit. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays coupable. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Souvenir, souvenir. Pas à pas, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Raza la vie. La section d'assaut avec Désolé à l'instant, morceau, je suppose que tu feras aussi par petits bouts, ouais, au moins dans la tournée. Obligé, hein. Obligé. Ça, c'est ce genre de morceau, c'est que dans 50 ans, tu chanteras encore, Guillaume. C'est le truc qui va te poursuivre. Bien sûr, avec plaisir. Parce tu iras chez Michel Drucker dans 50 ans, il sera là, il y a... Maître Gims. Alors. Ouais. Chantez-nous ce titre, désolé. Chantez-nous ce titre, désolé. Non, mais est-ce que parfois c'est compliqué à assumer des genres de morceaux comme ça qui te dépassent? Parce qu'on parlait du fait qu'il a fait le tour du monde. Je dis ça parce que je me souviens que certains titres, tu vois, comme Ayam par exemple, si on pense à Ayam, ils ont, ouais, pas voulu chanter pendant un moment Je danse le Mia parce qu'ils se disaient, pff, ça y est. Ouais. C'est un truc un peu. Est-ce que toi, il y a. Alors que ce soit Désolé ou d'autres titres, non, moi, de ton répertoire, est-ce que t'as l'impression que parfois, voilà, que ça dépasse et que. Non, après, tu sais, moi je pense que les gens veulent peut-être l'écouter, donc. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. T'as des gens, t'as toujours dans le public, peut-être un groupe de 20 personnes, 50, sur les 6000, sur les 10000, qui veulent, tu vois. Voilà, on le fait en medley. Mmh. Bien sûr, on le fera pas en entier, je le ferai pas en entier tout seul, machin. Ouais. Mais au moins, un clin d'œil, ça fait toujours, c'est toujours bien. Non, et puis c'est des morceaux aussi, voilà, je pense que ça touche aussi des gens. Exactement, des gens qui viennent parfois te parler. Ouais, qui viennent te parler des morceaux en disant, putain, sur ce titre-là, c'est ce qui m'est arrivé. Combien de personnes, voilà, ouais, j'écoutais ce son à tel moment, j'ai perdu telle personne de ma famille ou m'arrivait ici à tel moment, machin. Tu sais, ça te replonge dans un. Ça replonge les gens dans un truc, tu vois. Toi aussi, Mac Taylor, c'est des trucs qu'on vient de voir en disant, putain, ce titre-là, il m'a aidé un moment, il m'a apporté ça. Il y a... Bah oui, en plus, surtout quand tu commences à avoir des longues carrières, là, ça commence à faire un bon moment maintenant pour Meggy, comme pour moi. Donc, il y a des morceaux qui symbolisent des tranches de vie différentes selon les personnes, tu vois. Il va dire, ouais, moi, à telle époque, j'ai vécu ça, ça, ça. Pour moi, ce son, c'est le meilleur parce que moi, j'ai vécu ça dessus. C'est comme ça, hein. Les gens, sympas, ils prennent nos morceaux et après, c'est pour eux. Ils s'approprient, ouais. Ouais, ils s'approprient. Dites-nous d'ailleurs que ce soit pour Mac Taylor ou pour Maître Gims, s'il y a des morceaux en particulier qui vous rappellent quelque chose, qui évoquent quelque chose pour vous en particulier, dites-nous, envoyez des messages 41759 avec le hashtag Mac Taylor et Gims sur Skyrock, et puis on pourra peut-être vous faire plaisir aussi en diffusant des morceaux de la carrière respective de Gims et Mac Taylor. Toi, dans un instant, on en mettra un aussi. Je pense qu'on va mettre Je m'ennuie grave. Je m'ennuie grave. Qui était un son un peu à une époque où bon, j'avais un peu troublé le rap français avec, tu vois, des nouvelles sonorités. Et après, j'étais venu avec un album fait comme un polar qui s'appelait D'où je viens. Et j'avais fait un petit pied de nez à tous les puristes et tout qui disaient heureusement que je fais ce que je veux parce que sinon je m'ennuierais trop. Mmh. Et voilà quoi, c'était Je m'ennuie grave. C'était l'état d'esprit. C'était l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit d'ailleurs en 2008? Un peu en remise en question? Non, pas du tout. J'étais bien, j'avais envie de faire de la grosse musique. J'avais fait un gros album qui avait pas mal marché, un gros disque indé qui s'appelait D'où je viens. Et d'ailleurs, vous aviez passé. Mon disque, il avait bien fonctionné, donc vous aviez passé Je m'ennuie grave et tout. Mmh. Et voilà quoi, c'est un morceau que j'aime bien et voilà que je vais repasser là. Toi, c'est un des morceaux aussi de Mac Taylor que t'apprécies, Gims? J'apprécie, ouais. Je m'ennuie grave. C'est pas mon préféré, mais j'apprécie beaucoup. Alors, quel est ton préféré? Mon préféré? Tu nous as pas dit encore? Non, j'ai un top. Ouais, je peux pas top. Dire un préféré. D'accord, j'ai le top. Alors, le top. Le top de Gims, et tout à l'heure, on fera le top de Mac Taylor. Après, il y a des morceaux de lui avec McGregor, tu vois, il y a là, comme ça, de, ouais, sur Tandem aussi, parce que justement, on parle de souvenirs et de choses qui ont bercé nos carrières, bah justement, tu vois, moi c'est beaucoup dans Tandem et dans le général aussi, tu vois. Donc, là, faire un top comme ça, bon, ce serait bien, je te donne un truc après. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est toujours compliqué de résumer la carrière ou un morceau en disant. Voilà, je te donne. Depuis qu'on est dans les souvenirs là, bah c'est clair que ouais, moi c'est à l'époque de, comme on a passé lundi. Imagine, 93 Hardcore, tout ça. Ils nous ont vraiment fait cogiter. Et on a déchiré nos textes, on en a refait d'autres derrière. Tiens, je vois, c'est marrant parce que je commençais à lire les messages. Il y avait quelqu'un qui disait, moi je me souviens du morceau Petit Frère de Mac Taylor. Ouais, c'est vrai. Ça me parlait parce que moi je faisais. Un genre de game changer d'ailleurs. T'as vu comment il a interprété le son? Comment il a chanté dans Petit Frère? Il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tellement comment il a posé le truc? C'est un ouf. Après tout, pourquoi il a posé comme ça? Tu vois pas? C'est interdit pour un rappeur de chanter. C'est interdit, exactement. Et ben, ça a été justement, on parlait de game changer. Bah, ce son-là, tu vois, c'était des sons risqués pour l'époque, mais aujourd'hui, tu fais ça, normal. C'est normal, Genre, ouais, lourd, si. Vas-y, repose, mets de l'autotune. Vas-y, Romain. À l'époque, c'était Macteur, il part en couille, il chante. Voilà. Bon, après, voilà, c'est ce qu'on a dit aussi en début de semaine, de temps en temps, il faut savoir oser, il faut savoir perturber un peu le public, les gens qui te suivent, voilà, c'est aussi ça, être artiste. Allez, continue à nous envoyer, tiens, c'est marrant, j'ai pas les loves, mon frère qui partait s'installer à La Réunion, tu vois, c'est vrai que ça rappelle plein de trucs. J'ai pas les loves, Je reste debout, j'ai pas les loves, ça c'est des sons qui sont graves, Je me souviens de Emerde de Gims, mon son sûr. Allez-y, 41-759 avec le hashtag Maître Gims et Mac Taylor et Gims sur Skyrock. Balancez tous vos messages et on revient juste après ça. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Mac Taylor, Maître Gims pour une heure d'exclus et de total direct. C'est maintenant sur Skyrock. Mac Taylor, Maître Gims avec nous toute la semaine entre 20 et 21. On écoutait le morceau de la section Désolé. Là, on va partir sur très, la discographie de Mac Taylor et ce morceau 2008, Je m'ennuie grave. On le balance? On le balance. Allez, c'est parti. Puis on vous attend aussi au freestyle dans quelques minutes. Inscription 41-759. Mac Taylor, Je m'ennuie grave sur Skyrock. Je me lève à n'importe quelle heure, rien à foutre, j'ai pas de patron, je prends mon bif et dans la street. Quelquefois en studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. J'm'ennuie grave. Oui, c'est vrai que j'ai la tête grillée. Tu peux me croiser de l'hôtel gauche jusqu'à ton meurtre. Pas trop le temps pour les fumeux. Laisse ton number si tu veux, j't'appelle si Dieu veut. T'aimerais que les hondis soient vrais, donc tu ricanes. J'ai la fierté et la souffrance de Carter Hurricane. Surprenant comme si je canais, je ramène le nouveau flow. Dans le rap j'ai trop de petits, j'ai baisé la mer à trop de monde. Je suis dans le son, j'innove par le milieu critiqué. Ils ont le seum quand les gens disent son, j'aime trop ce qu'il fait. J'ai les couilles de faire avancer les choses. Moi imprévisible sur le ring comme de la Oya. Oya faux et faille dans mes prunelles. Du que d'or sur un vécu qui manque de saveur et qui gère de l'oseille. Je suis pas commercial, j'ai les couilles d'oser. Les autres leur font moyen. Je me fais gerber. La honte, le rap c'est fait douiller. Quel travail fatal bazooka. Négro, Camini l'a rapillé. Un nouveau soleil brille sur ton horizon. Je connais des chats qui chassent le négro comme la peau de vision. Je me lève à n'importe quelle heure. Rien à foutre, j'ai pas de patron. Je prends mon bif dans la chambre. Oui, grave. Quelquefois en studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. J'm'ennuie grave. Oui c'est vrai que j'ai la tête grillée. Tu peux me croiser de l'hôtel gauche jusqu'à ton j'm'en cœur. J'm'ennuie grave. Trop le temps pour les fumeux. Laisse ton number si tu veux, j't'appelle si tu veux. J'ai dû mettre sur le côté, on fait des tresses à vous attendre. Seul dans ma formule, on dit que j'ai trop d'avance. Insulte pas mon son, ou dis-moi critique. Dédicace à tout Aubert, 9-3. J'ai dû mettre sur le côté, on fait des tresses à vous attendre. Seul dans ma formule, on dit que j'ai trop d'avance. Insulte pas mon son, ou dis-moi critique pas. Quoi, y'a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Ah. Mon rap, c'est un gros, dans le cul des puristes. Pour l'inspirer, j'ai mis le calibre dans la main gauche à Shakespeare. En mode Tupac, arrosé à la NSI. Être noir en France, c'est comme grandir dans le Tennessee. On veut le garcier, le fauteuil, la place du trompage. J'arrive sur terre à poids, j'étonne sa bille en Prada. Lunettes noires, toujours impeccable. Pur comme la TK qui ravage nos favelas. Certains disent son taille au bled de Vela. Parce que j'ai pas fait le rouro, tu crois que j'ai mes chiens là. L'archétane, moi j'ai le mort, demande à Nasser. Si j'ai fané, c'est la saison des P sur Robert. Et depuis que je suis dans la mode, on dit que j'ai trop de style. Quand je réponds souvent que l'armoire est trop petite pour tous mes vêtements. Moi je dis, le rap français a pété le câble. Rof et Gabin, arrêtez le massacre. Ça m'ennuie grave. Je me lève à n'importe quelle heure, rien à foutre, j'ai pas de patron. Je prends mon bif dans la chambre. M'ennuie grave. Quelquefois en studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. Je m'ennuie grave. Oui c'est vrai que j'ai la tête grillée. Tu peux me croiser de l'hôtel Coin jusqu'à ton chemin. Oui, grave. Pour le temps pour les à tout le 93, Robert, si Samy, la Courneuve, la famille. On sent, oui, grave. A tous les poteaux, placard. Eh, hey, Boulay, eh, hey, Linder. Eh, Bakchich. Et la ex, eh, en fait, Dona, y'a Bakchich, il dit, t'aimes à mort, à en mourir même. Grave. Tu le sais, ça? Je m'ennuie grave. À l'instant, Mac Taylor 2008, ce morceau, je m'ennuie grave. Ouais. Bon, tu pourrais le refaire encore un peu maintenant aussi, hein, si tu veux. Ouais, ben, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ce morceau quand je fais des concerts. Voilà, c'est un des morceaux que j'aime. On voit les réactions d'ailleurs. Continue avec le hashtag Mac Taylor et Gims sur Skyrock. Yeah. Ça arrive dans le studio. Venez aussi rapper par téléphone. C'est le cas de Lyrics Punchliners de Metz maintenant. Allô, allô. Allô, allô. Ça va bien? Ça va et toi? Bah ouais, je te présente Gims, Mac Taylor avec nous. Mac Taylor, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon frérot? Ça va, on est là. Hein. Ouais. Tranquille. Bon, tu es prêt à rapper, toi, Lyrics Punchliners? Je suis prêt. Tu es en prêt. Quartier, posé, on est prêt. Et ok, par téléphone cabine ou portable? Non, portable. On t'écoute. Lyrics. Allez, c'est parti maintenant. Ils ont enlevé les cabines, c'était trop dangereux. Ouais. Japon Wise in the hood, ok. Didi, KZ, un méga du quartier là. Tout ce soir, 57, creux. Galatif, je sais que tu m'entends, t'es pas loin. T'inquiète, on se reconnaît. Ça fait, ok, ouais. Ça fait, je vous m'arrache dans le lecteur. Pierre, le secteur, c'est tout. Attention quand tu m'appelles. Il monte cette nuit, tu réécoutes. Tu mets l'avenir sous vide. Souvent, toi, t'es sous vide. Quand j'arrête comme le centre, fils devient le prince de la ville. Coûte-t-il à 15 000 euros. Mes principes décrochent pas. Sur la route du studio, les MC, t'en décroches pas. Je transforme mes rêves en cauchemar. La tendresse en gauche, droite, d'un coup, 10 piges. J'attends que ça pète. Mais putain, boy, ça bouge pas. Quand vient de phare, c'est pour mes bonhommes prêts à tirer. Puis comme un collant sur la tête, dans la polo, baisse les flics, sans baisser la culotte. Pas le même grand que parents. Notre ballon, personne t'a vu venir. On arrive de loin, ils nous voient pas. Je te jure qu'ils vont la sentir. Soir, si tu veux, tu m'y gênes dans la masse. Assiste à toute la mine qui descend du lit. Taille au salon de massage. Capitaine tient le brassard. Dis-leur qu'on est que de passage. Si pas aux apparences, les plus violents sont les plus sages. Donc, si tu veux, des complètes. Sans neige, descend, mais crois pas qu'on t'aide. Quand toi, t'apprenais à compter. Moi, j'essayais de passer la frontière. T'as connu les cassettes. Des fois, tu passes bien. Des fois, des cassettes. Des fois, tu ends up. T'as côtoyé la merde. Quand t'avais des galères, bizarrement, tes potes t'avais plus rêvé. Ok, Lyrics Punchliners de Metz à l'instant, freestyle énervé, Lyrics Punchliners. Aïe, aïe, aïe. T'as l'énergie, toi, gros. Bravo à toi. Merci à vous. En tout cas, ça me fait plaisir de rappeler au planète rap de Mac Taylor. C'est un gars que j'ai grandi avec lui dans mes oreilles. Merci. Alors, toi, tiens, par exemple, tout à l'heure, on parlait des sons. C'est quoi, toi, tes sons références de Mac Taylor ou de Tandem? Moi, de toute façon, pour moi, le son, c'est DRK, tu vois. Le son DRK, il n'y a pas au-dessus. Ah, merci frérot. Merci. Le regard revolver depuis mes premières lèvres, gars. T'inquiète pas. Toujours aussi fidèle au coca fraise de DRK. Mais oui, c'est ça. Donc celui-ci, tu l'as saigné, tu le connais par cœur, celui-ci. Ah, mais ça y est, le général. Ouais, merci mon frérot, merci. On respecte le général. Tu as entendu la sortie, c'est le 20 avril, hein. Le 20 avril, bon, on va aller chercher ça, hein. Merci mon frérot. Y'a pas de soucis. Et toi, on peut te retrouver sur le net, tu veux balancer 2-3 infos? On peut me retrouver sur Deezer, alors Lyrica Punchliners, sur la page Facebook aussi, Lyrica Punchliners. En ce moment, je sors des petites vidéos toutes les semaines qui s'appellent Af Af. Sauf, je vais essayer de t'envoyer, je sais pas si tu vas réussir à la voir, on verra, tu vois. Je vais essayer de t'envoyer une. Ouais, vas-y. Y'a pas de soucis, comme ça, on verra. Okay, je vais essayer de t'avoir. Y'a pas de soucis. Eh ben, merci à toi. Ciao, à plus. Ciao, du côté de Metz, on salue tous les Messins à l'écoute. Sur Skyrock, c'est le Planète Rap avec Gims, avec Mac Taylor. Yes. Dans un instant, on va mettre un de tes morceaux aussi. Yes. De Subliminal. Ouais, de Subliminal, La Face Cachée. Particulièrement, c'est sur la réédition. La réédition, ouais. Un morceau que j'aurais voulu clipper, que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas pu le faire. Question de temps, etc. C'est You Lose. You Lose, ça arrive dans un instant, mais là on va mettre un morceau de Mac Taylor, c'est ça? C'est un de tes choix aussi? Ah ouais? Mauvais œil dans le périmètre. Mauvais œil dans le périmètre. Alors quelle année? Quel 2008, moment? 2008. C'était un petit moment où dans le 93 il y avait beaucoup de règlements de compte et tout. Et c'était un hymne à toutes les personnes qui avaient disparu, parce qu'il y avait beaucoup de disparus. Tous les gens qui partent un peu trop rapidement. Voilà. Et bon, on écoute maintenant ce morceau, Mac Taylor, Mauvais œil dans le périmètre sur Skyrock. C'est mon mauvais œil dans le périmètre. Mortel comme ce caillou de crack dans le 18ème. On dit que des rumeurs courent sur moi, mais je suis tellement haut que j'ai déjà cette vue sur Mars. Fini l'époque de DBZ, on fait la DB9, pousser les décibels du tandématique modèle. Comme un prolique, je me fais discret. Reste à distance, négro, tu m'as l'air suspect. Règlement de compte sur l'esplanade. Si ta môme, j'suis dans le parc, ne la laisse pas là. Pro, je te raconte pas de salade. 11-43 pour une exécution brutale. Au clic-clic du dernier instant, tu mets ta vie en rewind. Les carnats de narco, les micros usés pour un carnage. Comme du camel, j'fuck ton gros char. Un verrou sans le cœur pour éviter de pleurer. L'idéal du cam se trouve dans un pactole caché au double. La terre française est très fertile, frelo. On y plante des fonctionnaires pour y faire pousser des impôts. Sur le président, motherfucker. Je vous l'ai dit, la sympathie n'est pas un bulletin de vote. Motherfucker. Dans mon jazz, 31 jazz enculé. Rien à foutre si deux mecs sur une pécane veulent te fumer. La vérité n'est qu'un point de vue. Selon l'angle de tir, la mienne se promène tranquille, calibrée dans la ville. C'est mauvais œil dans le périmètre. Écoute la violence du langage du 9 mm. Jure. Thomas. Chez nous, il y a peu d'amour. Avec ce mauvais œil, peu d'amour, mais il nous reste l'espoir. Avec ce mauvais œil, ouais. Ce mauvais œil dans le périmètre. Écoute la violence du langage du 9 mm. Un corps par terre et le cimetière effleuré. Une douleur pleine d'amertume dans son dernier soupir. Guerrier rose de la cahier. Y'a du sang près de l'encre de mon cahier. Toujours hoche pour TH en Cayenne. Une balle perdue qui fait pleurer le quartier. Résidu tir à courte distance sur le macabre. Une canne bien flingue pour qu'une vie prenne fin. Écoute-moi très bien. On contrôle mal son destin quand on a très faim. L'espoir s'éloigne du rivage de la colère pour qu'une TC allume au mortier l'hélicoptère. Mais c'est ce peu burning. Agresseur extrême du FN. Débit de kilo de coke à l'image du cartel. Flop industriel, pétage de matos, clope écrasé. Faut préserver son cardio comme son mafé. Oh. C'est la course au nucléaire dans les quatre coins du globe. Pendant que l'Afrique vit coupée et décalée du monde. La rue n'a pas la morale, ni l'humour à poule vente. Y'a qu'une départementale vénère qui roule en Ford. Mondeo. Je vise le top pendant que d'autres sombrent dans la coke. Notre amitié prend des allures que réservoir d'ox. C'est mauvais œil dans le périmètre. Et écoute la violence du langage du 9 mm. Mais il nous reste l'espoir d'en finir un jour. A tous nos disparus. Avec ce mauvais œil, peu d'amour. A tous les ghetto youths. Abîmés au fond de leur cœur. Faut tous tenir bon. A toute la France, à tous les disparus de tous les quartiers de France. Avec ce mauvais œil, peu d'amour, mais il nous reste l'espoir. Avec ce mauvais œil, tire. Le 20 avril dans les bacs, je suis une légende. Ce soir, c'est Mac Taylor et Maître Gims, Monstre Marin, MMC. Nouveau cycle, nouveau départ. L'esprit vainqueur, c'est pas de regarder. Ah. Le 20 avril dans les bacs. Bon, ce morceau sera pas hein, sur l'album le 20 avril, a priori. Non. Il y en aura d'autres, des plus nouveaux. Ça, c'est oui. Ça, c'est un classique qui date de longtemps. Mais quoi. C'est vrai qu'on écoute aussi même les paroles, le son et tout, il est toujours ouais. D'actu. Hein, ouais, il est là. Toujours là. Mauvais œil dans Périmètre à l'instant sur Skyrock. Dans un instant, tu nous fais un petit freestyle aussi. Ok, d'accord. Mac Taylor, ça arrive dans quelques minutes. Gims, on parlait de la réédition de Subliminal. Ouais. Sur cette réédition, il y a un morceau qui s'appelle You Lose. Donc, un petit mot sur ce morceau, la façon dont il est né, la façon dont la réédition aussi est née. Ouais, voilà, il est né avec la réédition. J'avais envie de kicker un peu, tu vois. Il y avait eu beaucoup de sons en radio qui sont pas forcément des sons où je kick, etc. Donc, je voulais mettre un peu ce côté-là de moi en avant. Où ça kick, mais bon. Bon, il y avait aussi l'énorme carton, il faut le rappeler, hein, Subliminal, qui est maintenant cumulé, je crois, près d'un million d'albums vendus. Ouais, voilà, à peu près, voilà, exactement. Quand tu fais dans le monde entier, c'est ça, hein. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Et j'avais envie de kicker un peu, ramener un peu de fraîcheur avec cette réédition. Et bon, j'ai pas pu faire le clip. Mais bon, c'est un son que j'aime beaucoup. You Lose. Ouais. Gims sur la réédition de Subliminal maintenant. C'est parti sur Skyrock. Le Planète Rap avec Gims et Mac Taylor. Fab, ça part le morceau? Ça part pas. Eh ben, il part pas le morceau, les gars. Qu'est-ce qui se passe? You Lose. Tu l'as bien choisi le titre. T'as vu ça? Tu l'as bien choisi le titre du morceau. Vous avez vu ça? Ah, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. You Lose, c'est extrait de cet album. On en a d'autres, hein, de sinon, on en a d'autres en réserve. Et dans quelques minutes aussi, le live de Mac Taylor à pas louper. Voilà. Il est là. Et ben voilà. Les problèmes du live. Hein, Bon. 20h35 sur Skyrock. Soundboy 75009 à bout de bain. Le H de guerre, un saut. Hey. Les yeux sont bleus, ils virent rouge que quand ça parle de flouze. Les plus dangereux sont souvent les plus cool. C'est quand on en parle qu'on voit la queue du loup. Ne t'avance pas plus près sinon lève-toi, you lose. Pose tes cartes puissantes de table, lève-toi. You lose. Let's go. Pose tes cartes puissantes de table, lève-toi. You lose. Pose tes cartes puissantes de table, lève-toi. You lose. J'ai le cutre, j'ai le débit, j'ai le flow. Oh. Je vais les taper sans commettre aucune faute. Ça va. T'es le vrai Warano ou t'es le faux. J'ai cru voir ta tête aux infos. Franchement, c'est pas la parole à mes parents que mes couplets se différencient déjà avant de l'île de France. Et quand tu cavalais comme un caniche devant des queues, mais des calus, tu faisais moins intéressant. J'envoie des cutres dans les chicots, c'est signé Muggy Warano, tout est fini, j'enflamme le vinyle. Petite merde, dis-moi ça, la maléco, mais si tu vois mon cas visé pour dans une Lamborghini. Ma musique s'écoute en petite dose. Oh. Mes skins, t'as pas rempli la fosse. Je parle app, moi j'envoie des textos, je m'expose comme l'univers du CS explosé. Avoue qu'au début, tu t'es bien les bons quand j'ai mangé la polémique et qu'on trouvait aucun ami. Oh. Ça nous déprogramme et des télés, des radios cassés, non c'est des putains de merde, ça tombait comme la pluie, nigga. Dans le noir, je vois pas mais je peux te sentir. Je n'achète pas tant de dreams, je vais pas mentir. Tu t'enculé, viens pas souci pour un peu, tu t'éclates. Je sublime nos marges, je me les enfile. V-O-R-T-E-X sous la chapka. Le petit refrain il est en bas, c'est une fourchette K. Je suis derrière toi, j'ai dissimulé mon chakra. Donc on pète une boutou, tu ne tombes, nigga. Toi t'es plutôt connu pour gratter des casse dalles. Ou t'es plutôt connu pour mettre des has-balles. Charlac, la balle te rattrape. Tu mens si tu dis qu'à Raphaël, Anada, quoi de neuf. Depuis j'ai côtoyé le pavé. J'en ai trop bavé, laisse-moi perdre mon temps, écoute un cul de jatte. Dans un débat où il n'aura pas bavé, je guette à droite, y'a des mecs qui se battent. Je guette à gauche, y'a des wanches qui se pètent. Y'a des wanches qui se pètent, y'a des comiques qui se perdent. Y'a des mecs en train de gueuler que tout pas qui se battent. Et j'ai du labouré dans la boue. Ouais, j'ai du mal, mais je l'avoue. Ouais, la France, c'est devenu Kaboul. Je suis franc, vous ne pensez qu'à vous. Ça bat Vendôme sans la cagoule. Étouffer le peuple et le mettre à bout. Ouais, 200 naufragés pour une bouée. Redouter comme les 100 coups de fou. Ouais. Je suis dans le terrain de tout le monde. Vas-y, je n'y puis pas l'avoine. Le disque d'or, tu ne pourras pas l'avoir. D'autant plus que tu t'es jamais cassé la voix. Une spéciale pour mes gommes et gamins. Je suis un grand garçon. Ne me tenez même pas la main. Très peu de bon à ma Panama. Qui tiendrait plus de 5 ou 6 minutes à la barre. Va là-bas. Disparaît comme Jessica Halaba. Ok, ma patte à dégainer. Guadano, c'est du génie. Les chars clos, mettre ceci, puis j'ai rempli un zénith. Groupi, bikini, je ne sais qu'à rien défini. Je pisse dessus, un peu comme Kelly. Ça, bibi, mais c'est moyen, c'est pas qu'une bitch. On se justifie en disant qu'on a qu'une vie. C'est pas l'envie qui nous manque, mais on a nos petits. Le plus grand voyou, c'est faire assez peur. C'est comme faire du mal les plus inventés. Ou de demander du zéyo sans mendier. Égoïste pour la plupart, seulement des bâtards qui te baisseront sans bander. On va se foutre en l'air un peu comme Bangkok. C'est la hier. À l'heure où je te parle des Chinois, taf encore. Boycott les sables provenant de Bangkok. Encore un justicier bourré comme une coque. Darcine à Romainville. Alors, X-Gangster Vesti. X-Gang Soko Vesti. Dawala Mamadou Gali. Oh. Tes yeux sont bleus, ils virent rouge que quand ça parle de flouze. Les plus dangereux sont souvent les plus cool. C'est quand on en parle qu'on voit la queue du loup. Ne t'avance pas plus près sinon lève-toi, you lose. Pose tes cartes puis sors de table. Lève-toi, you lose. Pose tes cartes puis sors de table. Lève-toi, you lose. Pose tes cartes puis sors de table, lève-toi, you lose. You Lose, c'est extrait de la réédition de Subliminal. Maître yes. Gims avec nous et ce morceau, en effet, où ça kick. Où ça kick. T'es dans quel état d'esprit d'ailleurs en ce moment? Plutôt quand là, tu vas en au studio, moment, ouais. Franchement, en ce moment, ça kick. Plutôt, hein. Plutôt chanteur, plutôt kicker, plutôt. En ce moment, plutôt un peu kicker. C'est vrai? Ouais. Ça kick, c'est par période. Donc ça veut dire que ça enregistre en ce moment. Ça veut dire que ça enregistre, ouais. Quoi? Je sais pas. Rien à annoncer, rien à se mettre sous la dent. Rien à annoncer. Rien à balancer non plus, ton côté. Foie Gram 16, je l'ai annoncé. Ouais. Foie Gram 16, ceci n'est pas un clip. La partie 7, bientôt, dans le mois de février. Ouais. Bon, et la suite, la priorité, là, j'ai compris, c'est Mac Taylor, c'est le 20 avril. Le 20 avril, je suis une légende. Dans les bacs, et Mac Taylor lui aussi, il est en mode kicker, et tant mieux pour nous, puisqu'on va l'écouter en live maintenant, prêt pour le live. Ouais, ok. Et ben, on y va, juste avant de faire tourner la roulette au 41-759. Tire. El Khene Khale. Chico. Je marche sur les rues d'Aubert entre Clando et Kaira. La contrebande est chinoise, les armes viennent des pays slaves. Toujours une idée tortue qui nous traverse la cabeça. Les blancs qui traînent avec moi viennent de Little Odessa. J'aime toujours me pessa, rapper avec un flow dingue. Un flingue sur une pile d'oseille, négro, j'espère qu'il ne manque rien. Illicite activité, j'ai des frérots qui me soutiennent. Même sous une cagoule à deux trous, les vrais se reconnaissent. Les vrais se mettent d'accord, on a plus le temps de se faire la guerre. Mon petit plaisir clandestin se trouve dans le désir de la chair. Une carrière qui ne s'arrête pas, comme si j'avais les keufs derrière moi. Maintenant de quoi j'ai l'air man, le rappeur que t'aimes a l'air naze. Banger va faire un dégât comme le jour d'après. Les deux traits viennent tirer sur moi d'un peu plus près. Gangster comme soprano, j'aime l'art comme Ultisanti. Futur collectionneur d'art, car bientôt je deviens riche, je l'aurais senti. Peur de tes ma fin, 1-43 chargé. Père de team, chemise à carreau, 1-43 chargé. N'attends pas d'être à la morgue pour te tenir droit. Non. N'attends pas d'être à la morgue pour te tenir droit. Non. Père de team, chemise à carreau, 1-43 chargé. Wesh poteau, t'es comme mon frérot, fais pas ton wang gros. Violence rancunière, je reviens sur mes pas comme De Niro. Cupid donc à son arc pour s'armer d'une Kalachnikov. Vu que toutes les femmes cassent les yeux cou, je ne peux pas aimer les manches. Le flot de la machine a compté, mais l'oseille a disparu. Esprit de tolérance bafoué comme violer son co-détenu. Je rappe sans rature, ce qui me passe par la tête est dit. Parfois ça peut vous choquer, comme vous dire que Will Smith est bi. Y'a bien pire que d'attendre l'attente sexuelle de son voisin. Manger du bif comme du raisin, je regarde ton gros cul sous ton bazin. Kaira avant le runner, Kaira après le GP. Force et honneur, si je dois crever, c'est avec une épée. Emprunté dans la brique comme la violence dans la street serre. Soif de vengeance comme la petite princesse de Winterfell. Untouchable République, mon flow est une forme olympique. Bébé dealer dans le hall pour pas que les keufs nous impliquent. Père de team, 1-43 chargé. Père de team, chemise à carreau, 1-43 chargé. Dieu, n'attends pas d'être à la morgue pour te tenir droit. Non, n'attends pas d'être à la morgue pour te tenir droit. Non, père de team, chemise à carreau, 1-43 chargé. Pour te tenir droit, dur. En mode MMC, monstre marin ce soir avec Maître Gims. On est là, on est là, on est là. On est là. Big up à rien, big up au refrain. Bien tête, tu vois le soldat à la verte. Je suis une légende, le 20 avril dans les bacs. Le Khenehare, le Khenehare. Aïe. Yeah. J'ai trop confiance en moi pour croiser les doigts. J'ai trop confiance en moi pour croiser les doigts. Pour croiser les doigts. J'ai trop confiance en moi pour croiser les doigts. Moi je fais du rap, les autres, je sais pas c'est quoi. Moi je fais du rap, les autres, je sais pas c'est quoi. Moi je fais du rap, les autres, je sais pas c'est quoi. J'ai trop confiance en moi pour croiser les doigts. Derrière le micro, je prends toujours du plaisir. J'ai récolté la tempête, j'ai pas semé le zéphyr. Dans mon lit, je veux qu'elle soit bonne, sinon je suis d'humeur nocive. L'argent doit rentrer, sinon je suis vénère aussi. Midi pile, je viens de me réveiller, c'est toujours la même chose. Le train de vide, un disque rayé, les mêmes patrouilles qui rôdent. Un poteau s'est fait claquer, on va chez l'avocat. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vie dans l'aucun. Pas de nouvelles pesantes, pas de nouvelles turvoies. Pas d'entrée qui se construit comme une entreprise chinoise. Touchable, il y a de nouveaux modèles. On chasseur comme mon PO, moi je gère mon business. Reparti pour faire du sale, bientôt je sors mon album. Quand j'ai signé chez Muggy, ça a déchaîné les forums. Je connais l'argent, je connais le pouvoir, mais je connais pas la victoire. Je vis jamais dans le passé, je regarde pas derrière moi. Heureusement j'ai les petits rêves qui sont là. Mes détracteurs ont tous le même âge que moi. Qui m'aime me suivre, sinon va sucer les os. Je suis pas le père de ce rap français qui vient de perdre les os. Trop de problèmes au checker pour écouter vos flots. J'ai vu cette bombe arriver en vitesse longue. J'aime l'argent, j'aime les femmes, j'aime tout ce qui est beau. La meilleure façon d'être suivi, c'est d'être plus speed que les autres. Original Keira, original gangsta. Je veux pas bêter, ma face là sur Insta. Bientôt après mon bracelet, frère, tout le monde se couche à terre quand je tire en l'air. Bang bang. Pour croiser les doigts, j'ai trop confiance en moi. Pour croiser les doigts, pour croiser les doigts, j'ai trop confiance en moi. Pour croiser les doigts. Moi je fais du rap, les autres, j'ai pas c'est quoi. Moi je fais du rap, les autres, j'ai pas c'est quoi. Moi je fais du rap, les autres, j'ai pas c'est quoi. J'ai trop confiance en moi pour croiser les doigts. En mode MMC, le général Chico. Toujours le 20 avril dans les bacs, je suis une légende. Le 20 avril dans les bacs. N'oubliez pas le clip, laissez-moi vous dire. Laisse-moi te dire, le 30 janvier, ça va faire du sale. Ça arrive. Monster Marvel Corporation. Est-ce que les Untouchables soldats, ils sont là ce soir ou quoi? Quel Dieu! Tous les tickets, on veut tous les tickets! Tu connais nos histoires, ça rafale pour une histoire de tickets. Moi je représente 9-3, ma varisane jusqu'à Épinay. A lui j'ai fait du sale, à lui j'ai fait du mal pour une histoire de tickets. On t'a hagal, on t'a chassé, pris ton rindé pour une histoire de tickets. Les petits chez nous sont des terres, surtout pour une histoire de tickets. Tu l'aimes en mourir, mais elle t'a menti pour une histoire de tickets. Elle a fait sa pin-up, elle a fait sa putain, tout ça pour une histoire de tickets. Vous avez fait des hold up, il a calé le putain, connard, pour une histoire de tickets. J'ai vu cette fille faire le trottoir pour une histoire de tickets. Pour une histoire de tickets, j'ai refusé les miettes, moi je veux du pouvoir. On cavale avec un jeu de face, c'est sûrement pour une histoire de tickets. Trop maigre pour pas de pétage, mais nique leur mère la pute pour une histoire de tickets. Pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets. T'as la race sur moi et mon équipe, des gros, fais la queue et prends un ticket. Pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets. Général, t'as la race sur moi et mon équipe, négro, fais la queue et prends un ticket. Général, pour une histoire de tickets. Général, pour une histoire de tickets. Général, pour une histoire de tickets, ta vie peut s'arrêter là ou dans un ticket. Général, pour une histoire de tickets. Général, pour une histoire de tickets. Pour une histoire de tickets, ta vie peut s'arrêter là ou dans un ticket. La jalousie te balance sur un coup de fil pour une histoire de tickets. Je suis pas ce noir qu'on entretient, qui sert des blanches, des riches pour une histoire de tickets. Je vois grand comme Shaquille O'Neal, check moi pour une histoire de tickets. Si je suis un manque de sexe, c'est que j'appelle une pute, elle viendra pour une histoire de tickets. Tout dans la vie, c'est pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets. J'aime pas les fanatiques, c'est des girouettes, moi j'arrive pas pour une histoire de tickets. Pour une histoire de tickets, elle t'a CSU, tu l'as mis sur le net. Pour une histoire de tickets, on s'est tiré, tu peux mourir comme des vedettes. Pour une histoire de tickets, laisse-moi, c'est moi qui vais. Obligé de se refaire, ça va, je sais pas, ça va, je vais divers. Biggie est mort, Tupac est mort, pour une histoire de tickets. Ou bien, tu collabores, si tu boycottes, t'auras pas encore pour une histoire de tickets. Pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets. T'as la race sur moi et mon équipe, négro, fais la queue et prends un ticket. Ticket? Pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets, pour une histoire de tickets. Général, t'as la race sur moi et mon équipe, négro, fais la queue et prends un ticket. Général, pour une histoire de tickets. Général, pour une histoire de tickets. Général, pour une histoire de tickets, ta vie peut s'arrêter là ou dans un ticket. Général, pour une histoire de tickets. Général, pour une histoire de ticket. Général, pour une histoire de ticket, ta vie peut s'arrêter là où dans un ticket. Pour une histoire de ticket. Pour une histoire de ticket. Pour une histoire de ticket, ta vie peut s'arrêter là où dans un ticket. Pour une histoire de ticket. Pour une histoire de ticket. Pour une histoire de ticket, tequila ou dans un chicken. Hey, je suis une légende, le 20 avril, yes. Dans les packs, le 20 avril dans les packs, je suis une légende, MacTayer, Monstre Marin, Corporation. Monstre Marin, gros big up à Monstre Marin, Maître Gims, Aria, Universal, à tout le monde, Touchable Soldat, Aubert, la banlieue, toute la France. En live, en style à l'instant, Monsieur MacTayer. Big up à Al Foussen de Fresnes, mon frère. Allez, les dédicaces qui sont passées. Merci en tout cas pour ce live à l'instant. Ouais, je crois qu'il y a des petites dédicaces qui arrivent. C'est mon DJ. Ok, ça c'est Tiki. Bonsoir la France. Bon, ok, c'était pour vous présenter ma soirée bientôt là sur Paris. Ça s'appelle L'Excellence. C'est le 1er février, donc rendez-vous à tout le monde et voilà. C'est où? C'est au Kin, sur les Champs-Élysées. D'accord. Donc voilà, grosse soirée. Le 1er février. Et voilà. Grosse soirée pop, Inch'Allah. Et voilà. Donc faut être là-bas. Faut être là-bas. Eh ben merci à toi en tout cas. Merci à vous deux aussi pour cette soirée. On va revenir demain. Merci. Déjà pour la dernière et avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. Allô Anaïs du 59, ça va bien Anaïs? Ça va super. Eh ben écoute, bienvenue dans le Planet Rap avec Gims, avec MacTayer ce soir. Et avec toi Anaïs, tu es prête à faire tourner la roulette? On y va, on la lance? Prête. Allez, c'est parti. Des places pour celui qui reprend la route au mois de février, là, d'ici un peu moins d'un mois. Black M, deux places pour toi Anaïs. Ça y est, c'est fait. Deux places pour la tournée de Black M. C'est pour toi. C'est parfait. Et bah, je te fais des bisous, passe une bonne soirée. Bah, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute, ouais. Je fais une petite dédicace à mes deux petits frères qui sont en train de m'écouter. Au frangin, ouais. Ouais, il y en a un qui kiffe Romano, il m'a dit que de lui dire ça, donc voilà. Ouais. Et si c'est possible d'avoir un petit truc dédicacé par Maître Gims, ça serait super. Eh bah, on va essayer de te trouver ça, Gims, hein, ouais. Ouais, bien sûr. Quelque chose, t'inquiète pas. Maître Gims, t'assure, c'est parfait. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Merci MacTayer, merci Gims. Merci Fred, merci. Demain, on se retrouve pour la dernière de la semaine. Ok. Je désespère pas avoir un morceau peut-être qui va arriver comme ça, qui va me tomber dessus en début d'émission. Jamais, on peut toujours rêver. Lâche pas. Hein. T'as le droit de faire ce que tu fais, Fred. Et on rappelle que demain il y a le tirage au sort. Il y a le tirage au sort, le fameux full access. Ouais, tu fais largement mieux que moi. Je te remercie. Ouais, tirage au sort demain pour le full access. Voilà, avoir le droit de se balader partout dans les Zéniths, Bercy, machin. Deux full access par date. Deux full access. Attends, vous dire qu'il y a beaucoup de dates. Il y a beaucoup de dates. Donc beaucoup de full access. Full access. C'est demain. C'est les résultats, continuez à les envoyer hein. Dès maintenant, planetrap@skyrock.com. Faites la photo de vos places de concert, de games un peu partout. Et des full access, ça veut dire que vous pourrez aller partout. Avant, pendant et après avant, le concert. Avant, pendant, voilà. Incroyable. À demain, passez une bonne soirée. Merci à vous bonne deux. Soirée. Attends, il y a un soldat qui veut passer une grosse dédicace. Grosse dédicace. À Bakou, Doudou Cross Bitume. Allez, ouais, deux fois. Au calme. Dodo, on t'oublie pas. Mansley, on t'oublie pas. Linder, c'est marrant, j'avais pas vu. Regarde, il y a PSG et Vian dans le studio. PSG et Vian, en fait, avec les maillots dans le studio. J'avais pas vu. Bien joué, les gars, bien joué. On va pas rappeler le score. Bon, merci à vous deux, en tout cas. On se retrouve demain. Là, c'est l'heure de retrouver D-Fool et toute l'équipe de la Radio Libre. Eh ouais, Fredo, c'est parti. Ça va? Ça va bien, en pleine forme. Ça va bien, en pleine forme. D-Fool, il est au bord du gouffre. Ouais, en pleine forme, D-Fool, il est gris, ouais, c'est ça. Il a changé de couleur. Crevé, je vais crever. Le mec, il a une grippe foudroyante. Malade. Ah ouais, je sais pas ce qu'il a, mais il est pas très bien. Il était en pleine forme. Ouais, oui, bah là, il y a eu un coup de moule. Comme quoi, baisse de sauce, là. Là, il y a eu. Une journée peut tout changer. Ah, vous savez, la preuve. On parlait des maladies ce matin dans l'émission. C'était hier soir. Non, mais quelque part, je suis content. Ah, bah écoute, c'est gentil. T'es content? Non, parce que. Mais quel enfoiré! D-Fool n'arrêtait pas de dire, ouais, c'est impossible d'avoir la grippe quand on s'est fait vacciner. Non, ouais, mais je pense que c'est ça. Ah, mais je pense que t'as une grippe. Parce que tes courbatures et tout ça. Ouais, mais je suis mal. Voilà. Tu ouais, bah ouais, bah. Ouais. Tout gris, ah, bah voilà. Tu diras, vomis, pas, enfin, tu diras pas qu'avec le vaccin, on peut pas avoir la grippe. Mais tu sais, D-Fool, je suis sûr que là pendant 3 heures, tu vas être au top. Oui, comme d'habitude. On va faire le test. Et tous les auditeurs, auditrices. Ça me fait plaisir, Fred, que tu crois en moi. Et t'apporter de la force. Amenez-moi de la force. C'est bien ça, Fred. Bon, on te retrouve demain avec MacTayer et Maître Gims. Yes. La dernière de la semaine, si t'as pas loupé. Le retour. Et bah ouais, le retour. Et puis nous, c'est le retour tout de suite avec toute l'équipe qui est là. Donc moi, je suppose. jusqu'au bout, mais enfin bon, vous avez l'équipe. On va te soutenir, dit Full Tech. Ah, donc allez-y, profitez-en. T'as la marque de l'oreiller sur tes cheveux par contre derrière. Ah non, j'ai pris une douche. Ah ouais, putain, t'as un épi, mon pote. Mais parce qu'il avait une capuche. Ah, c'est la capuche. C'est pour ça. Ah, oui, t'inquiète, ton infirmière arrive, on a nommé Cédric. Ouais. Oh non, ouais, oh, super. Il va te soigner. Bah d'un coup, il va mieux là. J'arrive, vous voulez m'achever, non? Ah non, le pauvre. On a fait, c'est lui le plus compétent. Oh bah écoute, et le plus propre dans ce domaine. Pour l'hygiène, c'est lui aussi. Ah bah bien sûr. Ça va être le top. Il a été élu. Bon, jusqu'à minuit, c'est parti. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. On vous attend évidemment en direct. Allez, avec toute l'équipe qui est là, le problème du mois du jeudi soir. Je sais que t'adores, Fredo. Oui, oui, oui. J'adore ce problème du mois. Ah, merci, Fred. Et puis, on fera le top bug exceptionnellement un jeudi ce soir, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier. Ouais. Le top bug à retrouver. Et puis, bon, et vous tous en direct. Hein, allez-y, si vous avez le moins de soucis, faites comme moi, plaignez-vous. N'hésitez pas. Déferlez-vous avec nous. 01 53 40 30 20. Et puis, on va démarrer la soirée avec le nouveau soprano. Yes. Ah, clown. Ouais, c'est clown pour démarrer la soirée. Ah, moi, j'adore, moi. Eh ben, écoute, c'est ça, clown, là. La. Soprano arrive, un extrait de l'album de Soprano. Ah, avec les chants. Je te rassure, Fred, Marie aussi, on va le laisser chanter tout seul. Hein, ouais, c'est bien, on est c'est bien. C'est bien. La. Oh mon Dieu. Allez, c'est parti. Magnifique. Sur Skyrock. Radio Merci Libre. Fred. Jusqu'à minuit.